La police, c'est de la merde. L'armée, c'est de la merde. La justice, messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion, c'est de la merde. La patrie, c'est de la merde. Le capital, c'est de la merde. Et à moi. Toujours de la merde. Et tiens. Bonsoir, nous sommes le jeudi 18 mai 2017 et c'est l'heure du magazine Libertaire, une émission diffusée tous les jeudis de 20h40 à 22h sur l'antenne d'Alternante. Alternante est une radio associative qui a besoin du soutien de ses auditrices et de ses auditeurs pour diffuser ses émissions. Alors vous pouvez nous joindre par téléphone au 02 40 93 26 62. Par mail à maglib@boom.org et aussi réécouter nos émissions en podcast sur le site https://maglib.boom.org. Donc ce soir. Ce soir, qu'est-ce qu'on a à vous proposer ce soir? On a un joli petit son hommage. À Philippe, donc qui va durer une quarantaine de minutes. On va avoir quoi d'autre? Je me souviens plus. On va parler de Gérard Collomb, notre ministre de l'Intérieur. C'est vrai. Et éventuellement, si on a le temps, peut-être d'autres petits trucs ou... Ouais, peut-être une petite actu si on a le temps, et après les annonces. Les annonces, évidemment. Ouais. Eh ben. Pour le moment, on va commencer par le son. Ouais. Par l'enregistrement. Donc, c'est un enregistrement qui avait eu lieu en 2011. Et c'est la première partie de trois. En fait, on diffusera dans les semaines qui viennent les deux autres parties. En fait, il y a trois ensembles de sons donc, où on entend Philippe. On vous laisse écouter, on se retrouve dans... Du coup, peut-être on peut redire quand même pour les gens qui connaissent pas l'émission et peut-être qui nous écoutent par hasard ou qui écoutent depuis pas très longtemps, que la personne qu'on va entendre, du coup, c'est Philippe Coutant et c'est la personne qui est à l'origine, en fait, de l'émission que vous êtes en train d'entendre et qui est mort il y a 2 ans maintenant et à qui on avait envie de rendre hommage. En fait, tu m'évoques pas mal d'épisodes, donc il me vient forcément plusieurs questions en tête, notamment la première, comment devient-on militant et à partir de... Ah bah là c'est beaucoup plus long encore, là, ça remonte en fait à mon engagement au lycée, parce que j'ai un parcours, comme on dit, certaines personnes atypiques, j'ai commencé par être séminariste, pour faire reprendre le flambeau que mon père n'avait pas pu réaliser. à cause de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il était au séminaire, et puis au moment des hostilités, il a dû redescendre chez lui, parce que mes parents habitent dans le Berry. Et moi, à 10 ans, j'ai dit que je voulais être prêtre. Donc j'ai été au séminaire avec une bourse de l'évêché pendant 6 ans jusqu'en seconde. Et en seconde, je voulais m'en aller parce que je me reconnaissais pas là-dedans, quoi. Ça allait plus. Puis après, comme mes parents étaient agriculteurs, je suis passé dans un lycée agricole. Et là, donc c'était juste après 68, 69, 70, et en 70, oui, par là, je sais plus exactement. Il y a eu des mouvements à l'intérieur du lycée pour un peu les mêmes thèmes que 68, hein, sur l'autorité, les blues, enfin tout un tas de trucs de discipline qu'on trouvait trop dur. Il y a eu des mobilisations et puis on était dans un lycée agricole à Château. Catholique? Non, public. C'était la création des lycées agricoles. Le début des lycées agricoles. Parce qu'avant il n'y avait pas. Avant, effectivement, tu avais raison, il y avait majoritairement des institutions catholiques pour l'agriculture. Et là, c'était le ministère de l'Agriculture qui avait commencé à créer des lycées agricoles qui préparaient au BEPA, qui après a été supprimé, mais qui était donc l'équivalent du BEP, au BTA, qui est donc le brevet technicien agricole. Et c'est là qu'il y avait une section des primes dans laquelle j'étais, parce que c'était plus pour les gens qui voulaient continuer après. Les primes, en fait, c'était une variation de la section D, à l'époque, sciences. Parce que nous, là-dedans, il y avait biologie animale, biologie végétale, zootechnie, les animaux et les plantes, phytotechnie. Et donc, il y avait une section comme ça, j'étais dans cette section-là. Parce que mes parents étaient d'origine agricole, et puis j'ai milité au MRJC, qui à l'époque était le mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Alors, je sais plus comment il s'appelle maintenant. Parce que mes parents, c'était connu dans la JAC à l'époque. Des choses qu'on a pu connaître en Loire-Atlantique, que tu as peut-être déjà étudié. Voilà, c'était un peu dans ce courant-là, même si mes parents n'étaient pas paysans travailleurs, parce que moi je n'en ai pas connu dans le Berry. Et puis, à l'intérieur du lycée agricole, il y a eu des divers mouvements, puis on avait un surveillant général qui était un peu une grosse baraque, et puis qui avait tendance à nous mettre des claques ou à nous tirer les oreilles, carrément. Et puis il faisait peur, donc du coup on avait décidé une action collective, et puis donc on avait fait un papier qu'on avait placardé sur l'entrée, enfin un endroit où tout le monde passait, et moi j'avais pris la plume parce que les gens s'emmerdaient, donc du coup j'avais pris le feutre et puis j'avais écrit ce qu'on avait décidé collectivement. Le surgé a reconnu mon écriture. Il est venu m'engueuler, il m'a tiré les oreilles, que ce qu'il a fait, enfin bref. Puis il m'a demandé d'enlever le papier. J'ai enlevé le papier, puis j'ai été voir mes camarades après. Puis j'ai dit, il y a une solution, c'est que, enfin, pas seulement moi, les autres ont dit, on va tous signer. Tous les dégâts de classe vont signer. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça a foutu un bazar pas possible. Que c'était le premier mouvement dans ce lycée tout neuf. Voilà, donc je sais plus, c'était peut-être en 70 par là. Enfin, autour de ces années-là, quoi. Parce que 68, nous on avait vu 68 de loin, hein. Parce qu'à l'époque j'étais donc dans un séminaire à Neuvy-sur-Barangeon, à 20 km de Vierzon, en pleine nature, donc mais 68 était passé très loin de nous. Mais en même temps, pas si loin que nous que ça, parce que quand on est rentré chez nous, mais 68, on a bien compris, du moins, il y a des choses qui ne pouvaient pas y échapper, ne serait-ce que l'angoisse d'un certain nombre de gens de ne plus avoir d'essence, par exemple, entre autres. Mais aussi, combien de temps les manifs allaient durer, combien de temps le blocage allait durer, etc., etc., quoi. Mais ils n'étaient pas forcément dans la lutte. Et donc, ça a continué, puis en rencontrant un certain nombre de gens via les réseaux jeunesse chrétienne, mais qui, pour certains, étaient déjà très marqués par le gauchisme, j'ai rencontré des gens plus ou moins proches du PSU et de ce qui deviendra l'UTCL, qui m'ont transmis les premiers rudiments de marxisme, en fait. Analyse de classe, comprendre la société, etc. Et du coup, moi, à un moment donné, j'avais dit, ce sera le mouvement révolutionnaire des jeunesses communistes. L'MRJC. On gardait le nom, mais... bon, en fait, ça, c'était pour une plaisanterie. Et puis, j'ai même été exclu du lycée, et puis après, moi, je voulais pas faire des études supérieures dans l'agriculture, parce que je voulais pas, ce qu'on voit aujourd'hui sur l'écologie, c'est-à-dire développer le productivisme, parce que c'était ça mon rôle à l'époque, si j'avais été technicien agricole. Mon père voulait que je rentre au Crédit Agricole, j'ai pas voulu. Et puis là, je suis parti, puis après, je suis allé dans une communauté, puis après, je suis arrivé à Poitiers, et là, j'ai commencé à faire de la sociologie, plus tard de la philosophie. Voilà. Tout en travaillant et en étant boursier. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu maoïste, donc c'est dans les années 73-74. D'accord. Sur la base de... C'est après que j'ai compris de défendre la position de mes parents qui, pour moi, travaillaient beaucoup pour un résultat un peu très peu de richesse, quoi. Et des conditions de vie assez dures, quoi. Parce qu'on était cinq à la maison et au début, on n'avait pas de salle de bain. Enfin bref, c'était comme les paysans de l'époque, quoi. Et mon père était assez moderniste, hein, dans ses méthodes et dans ses désirs. Mais il comprenait pas que moi, justement, je refuse le modernisme au niveau, bah, justement, des pesticides, des engrais, du productivisme. C'est, il comprenait pas. Ton sentiment anti-productiviste était le fruit de tes lectures? Oui, oui, c'est ça, je lisais La Gueule Ouverte et Charlie Hebdo à l'époque. Des échanges aussi dans les réseaux dans lesquels je faisais des réunions où, mais c'était aussi la période hippie, hein. J'ai aussi été marqué par les hippies, indirectement. Parce qu'il y avait cette remise en cause de la société de consommation, qui passait par tout un tas de... Bah, qui était le fruit de 68, hein, qui passait tout un tas de, par tout un tas de canaux, dont les hippies. Même si moi, j'étais pas forcément hippie, mais j'étais voir des films, j'ai écouté de la musique, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait découvrir d'autres choses, quoi, tout simplement. Parce que bah, mes parents, ils avaient la culture de leur milieu, hein, tout simplement. Mais pour eux, ce que j'ai compris bien plus tard, c'est qu'effectivement, eux, ils étaient dans la reproduction sociale, il fallait absolument que j'ai une autre vie que la leur. Ils m'ont toujours poussé à faire des études. Donc pour être curé, il fallait avoir des bonnes études, hein, parce qu'il fallait faire jusqu'à l'enseignement supérieur, 4 ans au moins, ou 5. Et même si après, ils n'ont pas trop compris mes choix, ils m'ont toujours encouragé, enfin quand j'étais jeune, à apprendre, et mes frères et sœurs aussi. Même si certains de mes frères et sœurs n'ont pas été aussi loin que moi. Tu parles de relations politiques. Oui, alors ça c'était à la fois par certains profs du lycée et par le MRJC dans lequel j'ai rencontré des gens dans différents cercles, plus ou moins proches du MRJC, qui faisaient des journées d'études ou des réunions sur l'analyse de la société, quoi, en gros. Ça se passait comment? Je me souviens plus trop, mais il y avait des espèces de formations, quoi, en fait, que j'ai rencontrées après dans les réseaux politiques, quoi. Où il y a des gens qui essayaient de nous expliquer la même chose, ou des discussions, quoi. Parce que c'est des gens après que j'ai rencontrés lorsque je me suis rebarré de chez moi. Parce que je voulais pas suivre ce qu'ils m'avaient dit. J'avais dit, ok, je vais à l'armée, parce que c'est la seule chose que, c'est la dernière chose que je ferai pour vous, maintenant je me barre. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc à l'époque, on était quand même nombreux à partir de chez nous, parce que ça se passait pas toujours bien. Et dans des différents endroits où j'ai été, j'ai rencontré des gens à la fois par la musique et à la fois par le désir de vie un peu différent, quoi. Dont certains étaient effectivement politisés. Il y en avait notamment qui étaient dans une ENITA, c'est-à-dire une école d'ingénieurs, et eux, certains étaient dans des trucs gauchistes, hein, c'est clair. Il y en a qui m'avaient pressenti pour que je sois au MRJC national dès cette époque. Parce qu'ils cherchaient des gens qui avaient un peu de commentaires de réflexion, qui écrivaient, qui étaient actifs. Bon, j'ai participé à plusieurs activités du MRJC, hein, qui étaient entre autres l'organisation de camps, de week-ends, etc., quoi. Et c'est pour ça que, par le moment, j'étais attiré par les activités socioculturelles, parce que c'est ça qu'on faisait, quoi. Pour les enfants de paysans qui n'avaient pas beaucoup de loisirs ni de culture, quoi. Bon, ça, c'était un des axes du MRJC, mis en œuvre par un certain nombre de personnes. Puis il y en avait d'autres qui étaient plus sur réflexion, action, etc. Bon, mais un peu comme la JOC que j'ai retrouvée en arrivant en Loire-Atlantique, ce que faisait la JOC sur les emplois saisonniers, par exemple. Ou notamment même dans mes tentilles, j'ai rencontré des gens qui étaient originaires de la JOC et qui avaient fait des prises de conscience avec ce réseau-là, quoi. Il y avait un prof qui était, ce que j'ai appris plus tard, ce que j'ai compris plus tard, c'était la création de l'UTC. Qui deviendra Alternative Libertaire plus tard. Et Réseau Franquiste. Mais à l'époque, ça m'échappait complètement. Mais bon, c'est un peu surprenant. C'est aussi d'autres profs, une ou deux autres profs, qui, notamment en français, il y avait toujours des pleins de discussions, quoi. C'était toujours Alors des fois ça passait par la littérature, des fois ça... Et à l'époque j'ai côtoyé aussi des intégristes, c'est après coup j'ai compris qui ils étaient. Les intégristes. Cathos. Dont certains étaient propriétaires fonciers. Ça donnait un mélange assez surprenant. Ah ben, à côté de moi, il y avait le fils de, d'un patron d'une tuilerie de Verneuil-sur-Indre. Il y avait un mal fini, il s'est suicidé, mais il y a un de nos potes à côté de nous, il avait 500 hectares à son nom, ou 250 hectares à son nom, pour pas être victime de la loi du cumul. Ils n'avaient pas le droit de cumuler plus de je ne sais plus combien de terres. Il y avait un certain nombre de gens qui, comme moi, étaient originaires de fermes, comment dire, petite agriculture. Oui, agriculture, enfin, je veux dire, agriculture, élevage, quoi. Puis d'autres, comme c'est le Berry, il y avait des grandes fermes céréalières, il y en a qui arrivaient de là, quoi. Et puis pour un certain nombre d'autres gens, c'était une filière de récupération, parce qu'ils avaient échoué partout. Ce qui était le cas du gars, de la, du fils du patron de la tuilerie de Verneuil. Je me souviens toujours son nom. Parce que lui, il était très en avance, hein, sur le mode de vie par rapport à nous. Il avait déjà une voiture, enfin bref. Et eux, ils fonctionnaient ensemble. T'évoques un passage en communauté. Oui. Ben, ça c'est ça, après ça que j'ai, en fait, après mon service militaire, j'ai fait une sorte de tour de France agricole. J'ai travaillé un peu partout, dont pas très loin, Aigrefeuille, là, pour faire une période d'ensilage. J'ai travaillé dans un alpage, j'avais commencé par des vendanges, puis petit à petit, j'ai rencontré des gens, je me suis baladé. Et puis, je sais plus comment, je suis arrivé vers Poitiers, Loudun, où j'ai su qu'il y avait des amis qui cherchaient, enfin des gens qui cherchaient quelqu'un pour s'occuper d'un troupeau de chèvres et faire du jardin dans une communauté qui accueillerait des personnes malades mentales, qui étaient à l'époque des gens qui voulaient sortir de l'institution. Et puis donc c'était à Loudun, c'était un ancien bâtiment de ferme assez grand. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'on reproduisait des schémas, des divisions du travail qui ne me convenaient pas. C'est-à-dire que moi, j'étais le jardinier et le berger, éventuellement. Et les autres étaient des penseurs. Et des... C'était très tôt, je suis reconnu à ça. Et donc là, j'ai rencontré par l'ami d'une... le compagnon d'une des personnes avec qui on était... qui habitait à Poitiers, qui lui, il était déjà maoïste depuis longtemps. Puis on a discuté, tout ça, puis bon, je me suis inscrit à la fac à Poitiers, puis au bout de 6 mois, je suis devenu, j'étais avec eux. Dans quelle organisation politique ? C'était combat communiste à l'époque. Combat communiste. Marxiste-léniniste, attention. Pas combat communiste, il y en avait une autre qui était trotskiste. Alors, voilà. Et en fait, après coup, je me suis rendu compte que j'avais troqué mon messianisme chrétien contre un messianisme communiste. Après coup, c'est-à-dire ? C'est maintenant que tu fais cette analyse ou tu le faisais déjà cette époque ? Non, je l'ai fait, disons, dans les années 90, on va dire. Quand j'ai commencé à réfléchir sur le fait que tout ce que j'avais, tout ce pourquoi je m'étais investi, quelque chose qu'à l'époque, quoi. Le mur s'effondrait, mais il n'y avait pas, enfin, même avant, hein, parce que c'est cette période-là. Vers cette période-là, comment dire, justement, la fin des années 80, avec Georges notamment, où on s'est posé des questions sur comment analyser la société, comment vivre ce qui se passait, comment vivre la montée du Front National, comment voir le développement du capitalisme. Voilà. Et du coup, il y avait des débats très importants à l'intérieur du groupe qui s'appelle GCR, qui est d'ailleurs après éclaté. Groupe communiste révolutionnaire, parce que je les ai rejoints, je sais plus quelle année, moi, justement, 87. Et à l'époque, petit à petit, j'ai fait ce type d'analyse parce que j'essayais de comprendre pourquoi ce qui était une promesse est devenu un repoussoir, quoi, en fait. Chose qu'un certain nombre de camarades de cette époque refusaient. Comment dire, refusaient ce type d'analyse. Parce que pour eux, c'était passer de l'autre côté. Et ils comprenaient. Et d'ailleurs, ça a été l'objet de tout un tas de violences verbales et militantes plus tard. De conflits et de tensions insolubles, qui sont toujours pas résolues pour certains. Mais maintenant, ils peuvent plus dire que je suis un traître. Ah non, parce que ça, c'était rapide. Si tu veux, on reviendra après. Oui, vas-y, je te dis ça comme ça. Sur cette... Non, mais c'est... Tes questions. Moi, je voudrais revenir maintenant. Tu es en période universitaire. Tu oui. rentres dans un groupe marxiste-léniniste. Oui. Parce que tout simplement. Ton engagement est essentiellement étudiant. Non. C'est-à-dire qu'en fait, je tombe dans une section de sociologie où il y avait des marxistes, hein, c'est très clair. Mais il y avait aussi des. Le directeur, c'était René Loureau. Ben, c'est quelqu'un qui a développé l'analyse institutionnelle. Et qui est un anti-autoritaire, proche de la Passade. Non, tu connais pas du tout. Bon, ben, c'est des gens qui... Bon, Loureau a failli se faire virer. Parce qu'il y a eu occupation, puis même, ils ont été très fermes sur les notes. À un moment donné, ils mettaient 10 à tout le monde. On est en quelle année, là? Alors, là, on devait être en 73, 74. D'accord, on verra. 74, par là, je ne sais plus exactement. À une année près, je ne sais plus. Mmh. C'était à Poitiers, puis il y avait des jeunes assistants, qui eux étaient très intéressants, qui comprenaient pas trop notre engagement militant, mais qui essayaient de nous fournir de la pensée critique. Si on aimait discuter, ils étaient très disponibles, parce que comme des fois il n'y avait pas cours. Alors ça c'était dans la salle de cours, soit des fois au bistrot, hein, c'était. Et c'était une période d'agitation assez profonde. Et du coup. Sur des thèmes particuliers, oui, via l'enseignement ou oui, via ce qui se passait ailleurs. Parce que oui, il y avait toutes sortes d'approches. Ouais. Il y avait toutes sortes d'analyses. Mm-hmm. C'était à la fois les analyses pour comprendre le capitalisme, mais aussi, par exemple, je me souviens qu'ils avaient essayé de nous faire étudier la part maudite de Bataille, par exemple. Mm-hmm. C'est-à-dire le phénomène de la dette et de comment on dépense, quoi. Pourquoi on dépense. Et enfin bref, d'essayer de. Bon, ils n'ont pas été jusqu'à nous parler de Mauss, mais don contre don, pourquoi? Bon, c'était eux-mêmes des gens très marqués. C'était à l'époque de Vincennes, hein, donc à cette époque-là, il y avait plein qui étaient encore à Vincennes. Voilà. Des choses étonnantes, je me suis rendu compte récemment que Michel Foucault était enterré à Vendeuvre et que je suis passé à Vendeuvre mais X fois. J'ai jamais su à l'époque, j'ai pas rencontré Foucault, non mais. Parce que les gens parlaient pas de Foucault. Enfin, les gens dans qui j'étais ne parlaient pas de Foucault. Et donc, du coup, il y a eu une occupation qui a duré très longtemps. Et ils sont restés dans la fac à la fin de l'année scolaire. Les autorités universitaires savaient pas comment régler ce bazar. Parce que c'était un bazar pas possible, parce que c'était aussi l'époque où certains étaient déjà barrés dans le mode de vie. En troquier, ou hippie, ou la drogue. Ou aux communautés, comment dire, et donc ils sont restés dans les bâtiments, puis ben, c'est les CRS qui ont évacué assez violemment tout ça, et Loureau a failli être viré, et il a retrouvé du boulot après, je sais plus comment ça s'est passé, et puis après il a eu de nouveau un poste à Vincennes, mais il n'a pas été viré, mais de justesse, et du coup après ils ont supprimé la section de sociologie, et c'est un marxiste qui a eu, en fait, il faisait que des UV, quoi. Kluska. Et qui était un dogmatique. Et c'était beaucoup mal intéressé. Alors, parce que là, on retrouvait tout un tas de thèmes qui, ben, l'auto-autoritarisme, la pensée critique diverses et variées, c'était assez, c'était une période où ça bouillonnait. Et moi, après, là, dans ces réseaux-là, j'ai entre autres milité sur, la lutte pour l'IVG, par exemple, avec des gens de ces groupes ou autour de ces groupes. On a aussi rencontré des gens originaires des colonies françaises. C'était très. Il y avait une espèce d'affirmation de solidarité internationale qui était réelle et qui essayait de se mettre en œuvre. Tu as des souvenirs de situations ou de luttes particulières? Tant en lien avec l'IVG qu'avec la solidarité. Ah bah l'IVG, c'est-à-dire que moi à l'époque j'étais un jeune militant, donc je faisais le gay, je conduisais. Bah non, parce qu'on avait un médecin parmi nous. Un de nos chefs c'était un médecin. Si tu peux me évoquer. Bah c'est-à-dire que c'est pareil, j'étais à des réunions à Paris où en fait moi je me suis retrouvé hors la réunion, je discutais avec des gens qui étaient là, puis les autres étaient en réunion, et puis c'était justement des gens que, de Révo, à l'époque de Révolution, qui je rencontrerai plus tard, qui sont, enfin certains sont devenus le GCR à Nantes. Et ben moi j'étais le petit soldat, quoi, tout simplement. Enfin, je veux dire que c'était le sacrifice et la promesse, hein, ça c'était très clair. C'est pour ça que je dis que j'ai passé de des trucs cathos aux chrétiens aux communistes, parce que les modes d'engagement étaient, même s'ils n'avaient pas les mêmes paroles, le fonctionnement avait des similitudes, hein, parce que, je veux dire, diffuser des tracts devant une usine, faire de la propagande, aller voir des ouvriers, les aider, etc., c'était le béaba pour nous, c'était tout le temps. Et il y avait une espèce d'unité entre nous qui était assez forte, et quelqu'un qui m'a recontacté il y a 2 ans, là, ou 1 an et demi, pour refaire un article sur notre groupe à l'époque, parce que ça les a surpris que notre groupe... tout en ayant une étiquette un peu étonnante, et cette étiquette n'a pas fait de vague entre nous, mais on s'est toujours focalisé sur la lutte anticapitaliste en France, par exemple, et avec les ouvriers. Et du coup, ça faisait une espèce de stabilité et de camaraderie entre nous qui était assez forte. Est-ce que ça met en lien avec le terme que tu utilises assez régulièrement depuis le début de cet entretien, des modes de vie? À l'époque, je m'en rendais pas compte. C'est maintenant que je m'en rends compte. D'accord. Oui, de fait, oui. De fait, oui, parce que la grande partie de nos réseaux amicaux, c'était l'organisation. C'était les camarades. Mais en plus des réunions, donc vous voyez. Parfois, oui. Oui. Parfois, c'est souvent. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, il y a eu des trucs sur quand on était des scissionnistes ou on faisait des fractions. Chose qu'on ne devait pas faire nous à l'époque, parce que c'était centralisme démocratique. Mais comme à l'intérieur, il y a eu des choses qui ne nous plaisaient pas, ben on s'est servi de nos réseaux amicaux pour discuter. Tout en sachant ce qu'on faisait. Et ça se passait comment, le règlement des conflits par rapport au... Ah ben moi j'ai été exclu. j'ai été exclu, puis après j'ai été réintégré en demandant des tâches à faire, etc. Mais ça se passe comment, une exclusion? C'est-à-dire qu'on se réunissait en cellule toutes les semaines. Au moins. Bon, des fois pour les vacances, on ne se réunissait pas, mais enfin. Puis après, j'avais été convoqué par ce qu'on appelait la direction, et on m'a demandé de m'expliquer, tout simplement. C'est une sorte de tribunal. Et il y a beaucoup de personnes qui sont présentes? Non, parce que ils étaient trois. Ah oui. Ah ben non, on était un tout petit groupe. Au mieux, on a été 50 sur toute la France, hein. Avec des gens à Tours et à Paris. Notre base c'était Poitiers, mais c'était un groupe. Il avait étonnant ce groupe, c'est qu'en fait il était issu d'une fusion entre ce qu'on appelait les dogmatiques du Parti communiste marxiste PCMLF de Jurquet et de JCML qui étaient eux les spontanéistes. Et il y a des gens dans ce groupe qui tout de suite se sont rendus compte que les deux attitudes poussées au bout, ça nous menait dans la merde, quoi. Donc du coup ils ont fusionné les deux groupes. Ils ont maintenu des liens sur l'anti-impérialisme, sur l'anti-nucléaire, sur le féminisme, des choses que les gens étaient étonnés il y a quelques années de dire, mais tiens, ça te pose pas de problème. Ben, je dis, moi, l'anti-nucléaire, ça a été d'entrée, la lutte contre les militaires, ça a été d'entrée, parce qu'il y a eu une tentative aussi de faire un terrain militaire à Bougon, et je me souviens encore du, bon, c'était pour revenir, mais du Bougon, pas des canons, enfin bref. Il y avait sur le féminisme, c'était très clair, même si c'était bâti seulement sur des théories marxistes, mais sur l'origine de la famille, etc. Mais l'égalité homme-femme, c'était clair. Le soutien anti-impérialiste, c'était vraiment aussi un truc basique. Et effectivement, ça nous est arrivé plusieurs fois d'aider des camarades, on faisait ce qu'ils nous demandaient de faire. Soit distribuer des tracts, soit les emmener, soit... Enfin bref, il y a des choses que je n'ai jamais su, parce qu'on ne voulait pas me le dire. Il ne fallait pas que les gens le sachent. Et j'ai développé à l'époque, on a développé un atelier incendie, par exemple. Et cette culture du secret faisait partie du... Oui, oui, parce qu'on avait les jetons, ouais. Ah oui, on avait les jetons. Bon, ça peut empêcher les GRG, des fois, de nous trouver et de renoncer nos numéros de voiture. Et de savoir qui était qui. Oui, effectivement, la culture du secret était... c'était aussi à l'époque où il y avait eu la répression après 68, hein. Marcelin était encore là, hein. Il avait dit sous la LCR, par exemple. À l'époque, il y avait tout un débat sur le maintien ou non de la lutte ou la transformation dans la lutte armée. Oui. Non, nous, la lutte armée, ça ne nous a jamais tenté. Ça a été évoqué par les camarades vivant dans l'économie française, par contre. Ce qui, pour nous, n'était pas du tout le même débat. Parce que là, pour nous, c'était typiquement des luttes de libération nationale. Donc, à ce moment-là, nous, c'était autre chose. Mais en France, ça n'a jamais été notre... Il n'y a quasiment pas eu de débat pour nous là-dessus, quoi. C'était pas une option qu'on... Nous, on est plutôt du côté des établis. Il y a plein d'amis, et ma compagne à l'époque était établie, moi j'étais établi dans l'agriculture, même si par moments c'était pour gagner un peu de fric. C'est à quelle période que tu deviens établi? Bah, 74. Donc c'est juste après la fac, quoi. En même temps. Ah, en même temps. En même temps, parce que j'allais travailler chez des paysans, mais je travaillais pas toute la semaine. Et le premier paysan chez qui j'ai travaillé, j'étais chez lui parce qu'il avait besoin d'aide et qu'il avait été en Chine. Et que du coup, il avait contacté les réseaux pro-chinois. Et après, quand j'ai travaillé chez d'autres agriculteurs, c'était des gens qui étaient en grève et c'était des paysans travailleurs. C'est ce moment-là que j'ai rencontré les paysans travailleurs. Mais eux, ils étaient du côté du sud de la Vienne et des Deux-Sèvres. Et là, j'ai participé à des actions, oui. Quel type d'action? Eh ben, on arrêtait les camions de viande, par exemple, on les vidait. Ça, je m'en souviens, on faisait des barrages routiers. Et on a intervenu plusieurs fois dans des frigos pour ouvrir le frigo et vérifier d'où venait la viande. Ah oui, le coupe-boulon était... était sorti. Et c'est vrai que c'est étonnant parce que nous, ce type de choses, ça nous choquait pas. Parce qu'il y avait une action collective derrière, il y avait un mouvement. Et puis qui a été clairement établi les ennemis, c'est-à-dire les capitalistes. C'est quoi que tu appelles un mouvement? Eh ben, c'est-à-dire que là, c'était les agriculteurs qui étaient groupés, qui faisaient des comités, qui faisaient des réunions, puis qui appelaient à la lettre, quoi. Et on avait des relations très difficiles avec la CGT. Par exemple, en manif, on ne fallait pas trop qu'on insiste pour aller devant. Hein. On se faisait remettre à l'ordre très très facilement. Hein. Donc, des fois, on allait en manif, on n'apparaissait pas. Hein. On était derrière, mais on n'avait pas de banderole. Parce que des gens nous connaissaient, donc... oui, il y a des camarades qui avaient pris des coups de poing, ça c'est clair. Service d'ordre de la CGT, c'était... c'était pas... enfin, quand on en entend parler maintenant, oui, c'était exact. Et chez eux, c'était... Et ils comprenaient pas, parce que... Alors évidemment, nous, le militantisme ouvrier, c'était aussi pour que les gens deviennent en partie des communistes, donc des intellectuels. C'était ça, notre modèle. Hein. C'était pas pour prendre le pouvoir à leur place. Vous faisiez des séances... Oui, des formations. De formation. Oui, on faisait des AG régulièrement, une fois par an, des grandes AG, où il y avait tout le monde. Et autrement, il y avait des réunions de cellules, et il y avait des week-ends de formation. Il y avait beaucoup de personnes? Ah oui, des fois, il y avait 40, 50 personnes, des fois. Sur des thèmes aussi divers et variés que les luttes dans lesquelles tu étais engagé? Oui, ou l'analyse de la situation, ou la compréhension, l'analyse de classe, dans la plateforme, qu'est-ce qu'on met, l'analyse de la science, qu'est-ce qu'on met, parce que on avait des gens, des dirigeants qui étaient très théoriciens, et par exemple, ils nous ont fait essayer de voir, comprendre l'histoire des sciences, pour voir les ruptures, etc., etc., quoi. Galilée, je me souviens... la science aujourd'hui, avec la rupture Einstein et compagnie, l'épistémologie, il y a des gens qui ont travaillé ça chez nous. C'est assez surprenant, mais c'est un groupe assez intellectuel. Hein. Tu te rappelles un peu comment ça se passait? C'est-à-dire s'il y avait quelle configuration, salle de classe Par moment salle de classe et par moment c'était en rond. Il y a eu les deux. Oui, des fois c'était salle de classe. Oui. Mais ça posait pas de problème à l'époque, parce que les personnes qui s'exprimaient étaient tellement légitimes et tellement reconnues dans leur rôle que... on ne les sentait pas forcément très autoritaires. Parce que moi, je me souviens toujours de ce dirigeant qui s'appelait André. Ben lui, il n'était pas autoritaire, au niveau du fonctionnement, j'entends. Et il avait une aura telle que on discutait avec lui. Puis, comme tous les trucs pratiques, lui, il ne savait vraiment pas bien faire, ben, du coup, il y avait une espèce de complémentarité. Chacun trouvait sa place, quoi. Voilà. Donc du coup, entre autres, un peu plus tard, j'ai appris à faire de l'imprimerie pour imprimer les brochures et des tracts. Plus ou moins clandestinement. Et cette division des tâches ne posait pas de problème? Non, pas à l'époque. Ça a posé des problèmes quand on a rencontré un éditeur libraire parisien qui, lui, était vraiment un bourgeois. Et qui, lui, cherchait à nous instrumentaliser de façon totalement ouverte. Parce que la direction, il y avait deux ouvriers quand même. Donc, nous, il n'était pas question de dire quelque chose contre les ouvriers, quoi. Mais en plus, les deux personnes, je me souviens, Didier et Régis, ils étaient... Bon, Régis était d'origine ouvrière, Didier était quelqu'un qui s'est établi de longue date, mais ils étaient pas... C'était pas des gens strictement autoritaires, c'était des gens... Fait une direction, point, c'est tout, quoi. C'est-à-dire, c'était pas... Alors que Patrick, il nous utilisait comme ses petites mains. Et c'est avec lui qu'il y a eu des gros problèmes, parce que c'était magouille et compagnie, et nous, ça ne nous plaisait absolument pas. Et on voyait bien que son engagement contre le capitalisme français, à part sa librairie, puis son édition, c'était pas un militant. Et les critiques, elles se formulaient comment? la part. C'est-à-dire passer par des débats sur l'analyse des classes, hein, comme toujours. Comme a dit Colombo, plus tard, beaucoup plus tard, quand j'ai posé la question des tensions à l'intérieur des groupes militants, il m'a dit, tu prends l'exemple des débats entre au Moyen-Âge, à l'intérieur de l'Église, entre les hérétiques et les autres. Et souvent, c'était des conflits effectifs qui se soldaient par un débat sur la théorie religieuse. Mais le problème de Colombo, c'est qu'il n'a jamais voulu dire ça publiquement. Moi, il m'a donné une clé, et effectivement, il y a des choses qui sont passées comme ça chez nous, très très clairement. C'est-à-dire qu'il y avait l'engueulade sur des points théoriques. Chose que j'ai retrouvée plus tard sur toute la casuistique autour des statuts dans la CNT, par exemple. Où la CNT, les statuts devaient donner la ligne, alors que moi, les statuts, ils ne peuvent pas donner la ligne. C'est pas possible. Non, mais tu vois le genre de galade qui, où les gens se divisent, se séparent, se qualifient de traîtres et compagnie, alors que ils ont qu'à faire un groupe à côté, c'est tout simple. Puis que justement, si on admet des principes non autoritaires et un certain nombre de trucs libertaires, le fédéralisme est devenu, c'est la base, donc on n'a pas à s'engueuler puisqu'on est différent. C'est-à-dire, si on est d'accord sur l'analyse du capitalisme à peu près, je dis bien à peu près, il n'y a pas vraiment de... on peut discuter sur certains points, ça je suis d'accord, il y a des tas de discussions qui peuvent avoir lieu, mais de là avoir des tensions qui excluent les gens, ça c'est une autre affaire. Parce que c'était très moral aussi, notre histoire, hein. C'est un engagement moral extrêmement fort. Même si à l'époque on n'en avait pas conscience. C'était le bien et le mal, hein. C'était le sacrifice dans le mode de vie, c'était quelque chose d'important, quoi. C'est toute notre vie à faire ça. Ouais. On vous demandait quoi comme tu m'as dit tu conduisais. Par exemple, dans certaines situations. Éditer des tracts, écrire des brochures, distribuer des tracts, aller voir des amis ouvriers, les aider à se former, etc. Oui, on a distribué des tracts devant des usines très tôt le matin. Des fois on se levait puis on partait en voiture pour donner un coup de main à la personne qui distribuait. Ou qui des fois ne voulait pas complètement paraître, alors du coup c'est nous qui distribuons. Je me souviens entre autres des tracts sur les productions d'armes en France pour attaquer la CGT. À Châtellerault, il y avait une boîte dans laquelle il y avait un camarade et... Il produisait des armes qui étaient vendues en Irak ou je sais plus où, et des missiles entre autres. Et lui, il avait essayé de mener une propagande sur le contenu du travail et ça passait pas. Donc du coup, on a essayé de faire des tracts extérieurs. Comme lui, on voulait pas qu'il soit viré, c'est nous qui allions distribuer les tracts. Ou là, on mettait en cause la produire français, produire en français. Ça, c'était un des mots d'ordre qu'on attaquait très très durement. Et en essayant de montrer que l'ABC voulait que on allait faire si on faisait des armes pour détruire nos camarades dans le tiers monde, il y avait un problème. Lors des diffusions de tracts, il y avait un contact qui s'établissait avec. Je suppose que vous les distribuez aux ouvriers. Oui, plus ou moins. Parce que c'était la ligne. Et les ouvriers. Certains. Le lisaient, discutaient avec vous ou allaient travailler. Certains allaient travailler. Il y avait les deux. Je me souviens pas la proportion. Il y avait les deux. Parce qu'on était disciples des comités ouvriers, parce que les gens avaient vécu 68, et ils étaient, ce qu'ils appelaient les comités de base. Au niveau de l'action, chez nous, les gens étaient tout à fait sur ce type de... Comme on pouvait pas agir dans les syndicats, on agissait, mais très rapidement, on se faisait virer, ou ça s'était tendu. Donc, à chaque fois, c'est là où il y avait des trucs, en fait, qui étaient étonnants après coup, c'est qu'il y avait des trucs autogestionnaires dedans. Parce que faire des comités de base, c'était faire de l'autogestion. Où les ouvriers, où les gens en lutte avaient la mainmise sur leur mouvement. Ce qui n'était jamais le cas avec les syndicats, à l'époque. Et pour moi, le basculement, il a eu lieu, presque général, il a eu lieu au moment des coordinations des ouvrières, des infirmières. Je ne sais plus quelle année c'était ça, Les années 80. Voilà. C'est à ce moment-là que nous, on a senti un basculement. Parce que là, c'était la première fois que des salariés pouvaient se réunir de façon autonome hors les syndicats. Sans fétichiser ni survaloriser les coordinations d'infirmières, hein, c'était. Mais au niveau du mode de ce qui est devenu beaucoup plus tard, maintenant, ce qui est devenu ennemi, c'était aussi les âgés. Les âgés, moi, j'ai vu qu'y compris à la fac, ça a fallu très longtemps pour arriver à avoir des âgés. Ce qui est maintenant devenu la base de tous les mouvements qu'on fait une AG, au début, c'était pas du tout évident, hein, parce que il fallait pouvoir s'accorder avec les syndicats étudiants. Et moi, je me souviens à la fac, quand j'ai repris mes études dans les années 90, les premières bagarres, ça a été pour pouvoir faire une AG autonome. Et où le bureau ne dirige pas. Bon, maintenant, c'est acquis. Les commissions, c'est acquis. Bon, alors, évidemment, il y a toujours des bureaucrates qui s'en mêlent, mais... Maintenant, en principe, plus personne ne s'oppose à ce qu'on fasse une AG. Tu parles d'un militantisme quasi religieux. Oui. Qu'en est-il de la famille? Quels sont les rapports? Tu dis que tu as des frères et des sœurs. Oui. Est-ce que donc, logiquement, tu te retournes aussi vers eux pour les persuader de rejoindre une lutte que tu as épousée? De temps en temps. Et ça se passait comment, les relations, ça? Bon, comme moi j'avais foutu le camp de chez moi, mes parents étaient, ma mère était tellement contente que je revienne que, eh ben, on essayait de, qu'il n'y ait pas trop de tension, le temps qu'on a rien de famille se passe. Oui, j'essayais de transmettre mes idées à mes frères et sœurs. J'ai un peu fait chou blanc. Hein. Mais bon. Bon, ils connaissaient mes idées, hein, de toute façon. Mais mes parents ne me condamnaient pas sous l'angle dévouement aux autres. C'était leur... c'est mieux, eux, ils s'en sortaient comme ça. Oui, ben Philippe, il fait pas comme nous, mais au fond, il a des idées identiques. Ça, c'est très net, ils l'ont dit plus tard. Bon, là, quand il avait commencé à mourir, mon père a dit à ma sœur, « Ah ben, c'est bien qu'il s'occupe du capitalisme. » Et elle lui a répondu, « Ben ouais, mais enfin, quand il était jeune, tu ne l'as pas beaucoup aidé. » Mais en même temps, mon père a évolué. Maintenant, je vais te dire, bon, alors, en même temps, lui aussi, hein, ils ont continué à se former, à faire des tas de réunions, des tas de trucs. Et je pense que c'est pour ça que leur retraite se passe pas si mal que ça, parce que ils savaient à quoi s'en tenir, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils s'occupent, qu'ils maintiennent leur esprit, qu'ils se coupent pas du monde, etc., qu'ils soient pas que télé, enfin, etc., quoi. Puis qu'ils s'entraident entre eux, etc., quoi. Et ça, c'est des trucs qui ont été passés par les réseaux, ils avaient des formations, mon père, il m'a parlé de formation économique, hein. Moi, j'en voulais pas, eux. Ils faisaient venir des gens, alors je me souviens plus des noms, mais des fois des gens connus, quoi, qui partaient. Bah, c'était les réseaux de militantisme de catholique rural, quoi, en fait. Chrétien rural. Wow. Oui, il y avait un côté religieux au sens où, effectivement, notre vie personnelle était secondaire par rapport à notre militantisme. Et au bout d'un certain temps, certains ne supportaient plus. Certains se sont barrés sur ce type de base, parce qu'ils en avaient marre. Tu te rappelles d'un épisode où l'un de tes amis ou l'un des militants était parti sur cette base-là? Parce que... Bah, les problèmes, c'est que ce nombre de personnes avaient tendance à ne pas vouloir revoir les personnes. Parce qu'elles ont abandonné la lutte. Donc il y a une séparation complète et totale. Bah, plus ou moins, ça dépendait des personnes. Il y a des personnes avec qui on était amis et puis on ne les jetait pas non plus violemment. Et toi-même, t'as... Dans cette période-là, on viendra après dans les années 90, 80, mais dans cette période-là des années 70, puisque tu as parlé à un moment donné que tu t'es fait exclure, oui. Puis oui. Tu es revenu. Cette oui. Exclusion, ça s'est passé comment et quand bah, le problème, c'est que comme moi j'avais beaucoup de gens m'aimaient bien, puis moi j'aimais beaucoup de gens, ça n'a pas été très dur, puisque ça m'a pas coupé des autres. Et les autres ont peut-être dit, oh, il exagère un peu sur un truc ou deux, mais... parce que bon, il y a justement notre grand dirigeant, il a tout fait pour que je revienne. Parce que il m'a fait faire des styles punition, quoi. Et en fait, il m'a demandé de faire un texte sur ce moment de la Pologne, un peu avant la Pologne, avant que Solidarność. Mais je sais plus pourquoi il m'a fait travailler sur la Pologne. Il m'a dit, il faut que tu arrives à démontrer que la Pologne est un pays impérialiste. Et en fait, il avait raison. La Pologne était un très grand exportateur de bateaux et un très grand exportateur d'usines clés en main dans le tiers-monde. Mais moi, je ne savais pas du tout. Je ne me souviens plus des circonstances, parce que ça, on devait commencer à parler de la Pologne à l'époque. Donc ça devait être 118, 119 par là. Par contre, oui, il y a un autre truc qui, je me souviens, moi, m'a beaucoup marqué, c'est l'élection de Mitterrand. Hein. À nous, on était vraiment contre les trotskistes qui disaient débordement par la gauche. Hein. Nous, on a dit, mais il n'y aura jamais de débordement par la gauche. Il n'est pas question qu'on vote Mitterrand. Et à l'époque, un nombre de gens ont ressorti toutes les histoires de Mitterrand. La Francisque, l'attentat à l'Observatoire, toutes ces magouilles. Bah, c'est-à-dire que les souvenirs ont tendance à s'effacer à force. Mais bon, oui, il y a eu des tensions. Mais il y a aussi des fois où nous, quand il y avait des gens qui n'allaient pas bien, on essayait de trouver des solutions pour qu'ils ne soient pas effondrés à côté, quoi. Parce que c'était aussi des contacts humains, hein, toi. On a eu un ancien prêtre hein, dans notre réseau, qui travaillait dans le bâtiment. Et j'en ai entendu parler il y a encore 2 ans, parce qu'il allait pas bien, il était vieux, et je sais qu'il y a des gens qui allaient le voir de temps en temps pour pas qu'il soit complètement isolé, quoi. C'était un truc assez fort, hein, cet militantisme. C'est-à-dire que c'était à la fois, on découvrait le monde, hein, parce que ça nous transmettait une vision du monde assez, que nous, en tant que jeunes paysans, on n'était pas prêts d'avoir, quoi. Et en même temps, c'était aussi une camaraderie, quand moi je lisais des récits de résistants, que ce soit dans la Seconde Guerre mondiale ou dans l'anti-impérialisme, je me retrouvais tout à fait dans ce qu'il disait, dans ce qu'il décrivait, parce que c'est ce qu'on vivait. Il y avait une espèce de solidarité. Oui, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait aussi de l'alphabétisation vis-à-vis des travailleurs immigrés. Oui, on avait une copine algérienne, et ben, elle était dans la merde pour garder sa fille, on gardait sa fille. Enfin, tout un tas de trucs comme ça. C'était pas directement politique, mais la solidarité n'était pas, comment dire, était un truc de valeur, quoi. Et c'est pour ça que les amis, après, les camarades, ils ont tout fait pour que je revienne. Donc l'épisode de 81. Eh ben l'épisode de 81, il n'est pas question. Nous, on n'a pas du tout voté Mitterrand. Et on a refusé de voter Mitterrand. Sur la base, on connaît l'histoire de ce politicien. Les trotskistes, c'est nous faire croire qu'il y a un mouvement par la gauche. Quel mouvement? Comment on fera? Etc. Question qui était tout à fait légitime, parce qu'on a bien vu qu'après l'enthousiasme, les mouvements n'ont rien débordé par la gauche. Changeons la vie ici et maintenant. C'est aujourd'hui que l'avenir s'invente. Changeons la vie ici et maintenant. Prendre la parole, dessiner nos rêves, libérer nos vies de chaînes de l'argent, écrire notre histoire à la première personne, être enfin des hommes et non des instruments. Puisque tu existes, tout devient possible ici et maintenant. Ne versons plus au nom de la puissance notre sueur, nos larmes, notre sang. Les travailleurs travaillent pour la France, pas au profit de quelques possédants. Pour partager les fruits de l'abondance, changeons la vie ici et maintenant. Prendre la parole, décider nous-mêmes, libérer nos vies de chaînes de l'argent, faire du bonheur notre monnaie courante, maîtriser la science et dominer le temps. France socialiste, puisque tu existes, impossible ici et maintenant. Il nous faudra reprendre en main nos villes qui ne sont plus que des ghettos géants, où le printemps n'a plus le droit d'asile, où meurent les vieux, les arbres, les enfants. C'est dans nos propres lieux qu'on nous exile. Changeons la vie ici et maintenant. Prendre la parole, décider nous-mêmes, libérer nos vies des fleurs sinon. Pour ne plus mourir de l'air que l'on respire, pour pouvoir vieillir auprès de nos enfants. France socialiste, puisque tu existes, tout devient possible ici et maintenant. De cages et de camps, tendons la rose rouge d'espérance aux opprimés de tous les continents. L'histoire est là qui nous offre une chance. Changeons la vie ici et maintenant. Libérez la femme, libérez l'école, donnez la parole. Les hommes socialisme, puisque tu existes, tout devient impossible ici et maintenant. Écrire notre histoire à la première personne, être enfin des hommes et non des instruments. France socialiste, puisque tu existes, tout devient impossible ici et maintenant. Ici et maintenant. Tout devient possible. Vous êtes de retour sur l'antenne du magazine Libertaire. Je décline toute responsabilité quant au choix de la chanson. De la musique. Ouais, en non, fait, c'était pas nous. Non, c'est pas vrai. Alors, juste avant la musique, vous avez, pour celles et ceux qui ont pris en cours, vous avez entendu... vous avez entendu Philippe Coutant qui parlait de lui en fait, voilà, hein. Qui parlait de lui et de son parcours, du début de son parcours militant. Donc c'est la première partie en fait d'un entretien qu'on a découpé en trois morceaux et qu'on va passer aussi dans les émissions à venir. Et juste après ça, vous avez entendu, nous sommes désolés pour les oreilles sensibles, vous avez entendu l'hymne du Parti Socialiste qui a été chanté au Congrès de Nantes en 1977. Et si on a passé ça, c'est pas parce qu'on est devenu adepte du Parti Socialiste. Parce que tout devient possible et du coup, on se retrouve avec... Ouais. Et du coup, avec Gérard Collomb. Voilà, Gérard Collomb. Fait, si on se passait ça, c'était à la fois parce que Philippe, à la fin de ce petit bout, en fait, il dit que l'extrême gauche, en fait, espérait en 1981 un débordement par la gauche quand Mitterrand est passé. Et il disait que ce débordement n'avait pas eu lieu. Ça nous paraissait important de passer la propagande du PS à ce moment-là, en fait, et par exemple, plus de cash, plus de prison, tout ça, tout devient possible ici et maintenant. Et effectivement, comme tout devient possible ici et maintenant, bah, maintenant on est en 2017, soit 40 ans après 1977. Ouais. Et ce qui devient possible ici et maintenant, en 2017, pour le Parti Socialiste, bah, déjà, c'est d'être mort 40 ans après. Et puis c'est de courir derrière le Front National. Voilà, et ouais. Derrière Macron. Et qui est-ce qui court derrière Macron ? Eh bien, c'est notamment Gérard Collomb, dont on va parler maintenant. Depuis hier, on connaît le nom des ministres du nouveau gouvernement, en France. Hein. On pourrait tous les passer en revue avec leurs pédigrés et casseroles, mais une émission ne suffirait pas. Alors on a décidé... Et puis ça nous gaverait. Ouais, puis ça nous gaverait, c'est clair. Alors on a décidé de taper sur la gueule d'un seul. Et c'est celui qui va nous taper sur la gueule sur les temps à venir, le bien nommé Gérard Collomb, qui est du coup qui a gagné le mandat de ministre de l'Intérieur, comme sûrement vous le savez déjà. Du coup, voilà, ce mec-là, si ce gouvernement, si ces ministres survivent aux élections législatives, s'ils arrivent à y survivre, c'est pas du tout un appel au vote. Hein. Je voudrais pas que ce soit mal interprété, mais voilà, s'ils arrivent à survivre aux législatives, et ben ce premier. Désolée, je suis en train de. J'étais très émue par cette chanson. Non, j'étais assez émue par l'entretien de Philippe. Et cette chanson nous a bien fait rire, du coup c'est pas facile, mais on va y arriver. Du coup on a décidé d'en présenter qu'un, celui qui va nous taper sur la gueule pendant les temps à venir, le nouveau ministre de l'Intérieur, donc Gérard Collomb. En fait, du coup Gérard Collomb c'est le sénateur maire de Lyon et président de Lyon Métropole. C'est un ancien membre du syndicat étudiant UNEF, hein, normal il était au PS, ils sont à peu près tous passés par là. Il est un peu trop vieux pour avoir trempé dans les magouilles de la MNEF, tout ça. Mais bon, il était quand même à l'UNEF quand il était jeune. Et sa première adhésion à un parti, c'est en 1968, quand d'autres, ils sont sur les barricades, tout ça. Là, là, là. Lui, il adhère à un parti politique, hein, parce que quand même, faut pas déconner. Les choses sérieuses. Quand tu veux être ministre à 70 ans, tu vas pas sur les barricades. J'espère que Cohn-Bendit nous écoute. Du coup, en 68, il adhère au premier parti, pour la première fois à un parti. Et ce parti, c'est la Convention des institutions républicaines qui a été créée en 64 par François Mitterrand. Et ce parti, il se dissoudra dans le PS en 71. Gérard Collomb rejoint le PS à ce moment-là. Son premier mandat d'élu à Gérard Collomb, il va débuter en 77, donc il y a 40 ans, comme on le disait tout à l'heure, la même année que l'hymne au PS qu'on vient d'écouter. Et il a 30 ans à ce moment-là. Il vient d'être élu au conseil municipal de Lyon. Depuis, il va enchaîner et cumuler différents mandats. En 77, il est conseiller municipal. Il va être député de 1981 à 1988. Il va être conseiller régional de la région Rhône-Alpes de 92 à 99. Être maire du 9e arrondissement de 95 à 2001. Vous avez vu, il y a des dates qui se chevauchent. Depuis 99, il est sénateur. Il n'a pas encore arrêté, ça fait 18 ans qu'il est sénateur. Il est maire de Lyon depuis 2001, donc depuis 16 ans. Et en tant que maire de Lyon, en fait, il n'a pas attendu Macron pour former une majorité élargie au centre et à la droite. C'est-à-dire qu'il est son équipe, en fait, à la municipalité, comporte des gens de gauche, des gens du centre et des gens de la droite. Et depuis 2001, il est aussi président du Grand Lyon, enfin de 2001 à 2015. Et le Grand Lyon, ça va devenir ensuite Lyon Métropole en 2015. Et du coup, il va devenir président de Lyon Métropole. Du coup, il est président de la métropole lyonnaise depuis 2001. Et au cours de cette période, il va aussi occuper différentes fonctions au sein du Parti Socialiste, dont celle de secrétaire national, mais aussi celle de responsable des relations avec les autres partis politiques et les syndicats. En 2013, le magazine L'Express a établi un palmarès des cumulards. Et Gérard Collomb, il figure à la 6e place du palmarès des cumulards, parce qu'en 2013, il cumule 3 mandats, donc maire, sénateur et président de la métropole. Et il cumule aussi 6 fonctions. On va y revenir après. Il est fervent défenseur du cumul des mandats. Hein. C'est pas juste qu'il fait pas exprès de cumuler les mandats, c'est qu'il défend le cumul des mandats, chose... qu'il partage avec Rebsamen, hein, mais qui est pas, d'habitude les gens essayent de pas trop l'assumer, quoi. Il assume complètement et il le défend, et il l'argumente en disant que si le non-cumul était réellement appliqué, en fait on risquait de se retrouver avec une assemblée constituée d'apparatchiks. Pour un mec un apparatchik, c'est un argument assez étrange, mais bon, quand on connaît son parcours, ça nous fait vraiment bien marrer, quoi. Celui qui est décrit comme autoritaire par un certain nombre de personnes qui ont eu à travailler avec lui et qui travaillent avec lui, que ces personnes elles soient ou non d'opposition, il va aussi cumuler les fonctions. Il est par exemple président du syndicat mixte d'études et de programmation du SCOT, de l'agglomération lyonnaise. C'est à cause de Johanna Roland. Il est président du syndicat. Le SCOT, ouais. C'est schéma de cohérence territoriale. Du coup, qui permet de prendre un certain nombre de décisions, notamment en termes d'aménagement, d'urbanisme. Il est aussi président de Lyon Confluence. Il est président de la Société d'économie mixte patrimoniale du Grand Lyon. Il est président du pôle métropolitain du G4, qui regroupe Lyon, Saint-Étienne, Vienne, Capi. Ça, j'ai pas trouvé ce que c'était, mais peut-être que des gens qui nous écoutent savent. Pour citer que quelques-unes de ses fonctions. Ces différentes fonctions, en fait, elles vont lui permettre d'avoir un contrôle conséquent sur la ville et la métropole et de faire voter et de faire financer, en fait, un certain nombre de projets d'aménagement urbain de grande ampleur, comme par exemple l'aménagement du quartier Confluence, dont on a déjà parlé il y a quelques semaines ici, mais aussi le très contesté grand stade de Lyon, des nouveaux tronçons de tramway, dont le tronçon le plus cher de France et peut-être du monde, et le quartier des gratte-ciels à Lyon, etc. Dans un article qui est paru hier sur Rebellion, il est défini comme ça. Jusqu'à sa nomination comme ministre, il présidait aussi de longue date la plupart des sociétés d'économie mixte de Lyon, et notamment celles chargées de l'aménagement urbain, des hôpitaux ou encore des transports en commun. Sa manière de faire, avoir la main sur tout ce qui se passe en ville, le tout avec une mégalomanie certaine. Et un peu plus loin, Membre du PS dont il incarne l'aile droite depuis longtemps, il a suivi la dérive idéologique de son parti et, comme la quasi-totalité de l'échiquier politique, s'est totalement converti à la doxa néolibérale. Soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, ses politiques locales pourraient préfigurer le modèle de ce dernier voudrait imposer. En effet, Gérard Collomb a fait de Lyon un démonstrateur de la ville néolibérale, construite main dans la main avec les patrons, industriels, promoteurs locaux, et faite de partenariats publics-privés, de courses aux investisseurs et d'évacuation des pauvres. Mais il n'y a pas que dans ces projets mégalomaniaques ou dans le néolibéralisme qui va s'illustrer, en fait, parce qu'il a fait de la sécurité une priorité, en fait, dans la ville de Lyon. Et on va citer encore une fois Rebellion. Gérard Collomb est un défenseur de longue date de la vidéosurveillance et des mesures répressives, qu'elles concernent la répression de la fraude dans les transports en commun, les prérogatives laissées à la police municipale, les coups portés aux agents grévistes de sa propre collectivité ou encore l'appel à la répression des antifascistes. Les mandats de Gérard Collomb se sont distingués par des politiques particulièrement dures contre les pauvres, qu'il s'agisse à la fois de la hausse des tarifs d'accès à certains équipements ou services publics, ou des politiques violentes et inhumaines conduites par la préfecture contre celles et ceux qui dorment dehors. En tant que pauvres, mais pas seulement, les migrantes et les migrants, elles aussi, ont subi de plein fouet les politiques dictées par Gérard Collomb. L'article de Rébellion, il renvoie vers différents liens, en fait, sur les méfaits du personnage. Donc on vous conseille d'aller le lire. En fait, il y a un tas d'articles sur Rébellion qui racontent ce qu'il a fait, ce mec, depuis un certain temps. Pas depuis qu'il est arrivé, mais depuis un certain temps, et notamment ces dernières années. Et sur Rue 89, on trouve aussi un article qui fait la chronologie de la répression que subissent les travailleuses du sexe à Lyon. Et c'est assez édifiant. Et du coup, depuis plus de 10 ans, à coups de décrets municipaux pour les chasser, en fait, toujours plus loin des quartiers huppés de la ville ou qui sont en cours de gentrification. Et du coup, on va s'arrêter là pour le personnage, c'est suffisant, et aussi parce que là, depuis quelques jours, enfin depuis qu'il a été nominé hier, vous allez trouver plein d'infos, en fait, sur Internet sur ce mec-là. Moi, je voulais quand même dire que à Macron, qu'en fait, en termes, il avait dit que son gouvernement, ce sera un gouvernement du renouvellement et de l'exemplarité. Et en termes d'exemplarité et de renouvellement, ben, on lui propose de repasser que si l'exemplarité, c'est Gérard Collomb, ben, en fait, ça fout gravement les boules. Mais on sait que c'est pas ça. Et bah, moi, j'espère, en fait, que ces autres promesses à Macron, elles seront pas tenues non plus. Il y a un message d'un Azérien qui nous dit « C'est un insoumis en marche par en haut. » Voilà. Eh ben, on va vous faire écouter un petit morceau musical de Beast en claque, la Scottish à Colomb. Et apparemment, ils le connaissent puisque il est de Lyon, et ils ont écrit une chanson le concernant, et dont on va vous faire apprécier le contenu et les paroles. Voilà, à tout de suite. D'un coup d'un seul, tu étrangles le murmure d'une pensée dissidente, d'une utopie qui nous tente. Ta démagogie méchante n'aime pas que l'on chante. Tu rêves d'une ville prestigieuse et rayonnante, un musée tranquille où jamais on ne parle mente. Ton sens de la fête se résume au m'as-tu vu, imposé d'en haut, pas de place pour l'imprévu. Tu rêves d'un Disneyland où ta propagande serait la seule respiration de toute une population. Une ville qui se vende selon l'offre et la demande, qui regorge de légendes mais qui ne veut pas nous entendre. Et depuis que Colomb a découvert l'Amérique, il est bourré de méthodes, miracles magiques. À Lyon comme à New York, les rues sont cafées de flics et des caméras surveillent la voie publique. Pourtant, lorsque Colomb avait découvert la mairie de Lyon, on avait presque souri. On se disait que la gauche ne serait pas pire que la droite, mais on avait bien tort car cette gauche est très à droite. Pour enfourcher sans mystère la parano sécuritaire et du même coup faire taire tout idée contestataire, déclencher des tonnerres en accueillant des tortionnaires, mais dire que pour les affaires il ne faut pas faire de manière. Colomb Berlus, colons sur que tu forces l'admiration des fachos de tout poil, des électeurs de millions. Ils se souviendront de toi aux prochaines élections. Économie, sécurité sont aussi leurs conversations. Surtout ne lâche pas, tu as trouvé le bon filon. Tu es dans l'air du temps et tes actes en disent long. Gérard, écoute bien, elle est pour toi cette chanson. La ville que tu prépares est loin de nos inspirations. Une ville supermarché, une ville en papier mâché que tu entends diriger et d'une main de PDG. Sans vouloir te bâcher, elle ne fait que nous fâcher. Alors Gérard, par pitié, décolonise nos quartiers. Et c'est parti pour le Scottish. Le maton de la ville de Lyon, entre Colène et Vermont, entre Perbet et Colomb, la ville de Lyon. Je sais pas si vous si ça vous a fait le même effet, mais moi j'ai trouvé une ressemblance avec Gattaz. J'espère que ça s'arrête que là, hein, mais bon. En plus mafieux pour Gérard Collomb quand même. Donc moi je voulais vous parler d'un truc. J'ai trouvé un article, peut-être fouiller un peu plus. J'ai pas eu le temps et j'ai pas réussi vraiment à mieux fouiller. Mais donc, il s'agit d'un groupe de chansons françaises qui se dit pseudo-punk, qui s'appelle Bonheurs Inutiles, en fait, qui se présente un petit peu comme un groupe de rebelles. Alors voilà, eux, ils se décrivent comme ça, je cite, « Bonheurs Inutiles, c'est comme un molotov avec des clous lancés à la gueule d'un putain de CRS ». Mais en mettant des gants en daim et en disant pardon avant. Bon, je comprends pas la deuxième partie, mais la première partie, ça semble plutôt sympa. Mais en fait, quand on voit les paroles de leurs chansons, là, ça devient un peu glaçant. Du genre, je vais pas tout citer parce que sinon je sens que ça va gerber de l'autre côté du micro, peut-être ici aussi. Donc voilà, du genre, je cite des paroles de chansons. La première fois, c'était pas du tout génial. La deuxième fois, ça faisait très mal. La troisième fois, j'ai pleuré. La quatrième, j'ai gerbé. Ça ne s'oublie pas, sa première tournante. Donc, voilà le genre. Un autre truc, c'est... Elle était nue sous sa burqa, la salope. Mets ta burqa et ferme ta gueule. Donc, ce sont des gens qui tournent en France, en Suisse, en Belgique, qui se retrouvent dans des lieux alternatifs, des centres culturels ou sociaux, des endroits anarchistes et sur certaines ZAD, des ZAD. Donc, je sais pas, il faudrait peut-être en savoir un petit peu plus et se méfier quand on fait des invitations de groupe. Voilà, voilà. Enfin, ils ont surtout un grave problème avec leur sexualité et... apparemment avec le racisme, le sexisme. Oui, et... je crois que là, c'est carrément... Et on pourrait en faire une liste à l'après-verre. Peut-être qu'on nous dira que c'est du... On ne voudrait pas faire de la morale, hein, parce que la morale, c'est de la merde, mais... Ouais, mais ça, groupe... c'est de la merde aussi. C'est de la merde aussi, oui. Grave, même. Grave, oui. Bon, on passe aux annonces. Peut-être juste de rajouter, nous on n'a pas le temps d'en débattre ce soir au micro, mais ça nous semblait quand même important en fait d'en parler ce soir. Sûrement on y reviendra une autre fois, mais si ça peut lancer le débat pour celles et ceux qui écoutent collectivement, puisqu'on sait que des gens dans différents lieux nous écoutent collectivement, bah, peut-être ça lance le débat entre vous. Enfin, en tout cas, le débat, on ne sait pas hein, s'il y a à débattre, mais en tout cas, la discussion sur le soi-disant troisième degré et l'humour, en fait, qui s'appuie sur des oppressions et qui continue à légitimer, en fait, les oppressions. Un peu comme Dieudonné, quoi. Par exemple. Oui, ouais. Les annonces. Alors, on passe aux annonces. J'ai une annonce qui se passe samedi 20 mai à partir de 13h sur la ZAD. Il y a une invitation à des semis collectifs de blé noir. Alors, ça a lieu à Saint-Antoine en face de la Châtaigne. Alors qu'un nouveau président et un nouveau gouvernement vont devoir se débrouiller avec le projet d'aéroport, il est temps de leur montrer une fois de plus qu'on est toujours déterminé à leur arracher l'abandon du projet de délocalisation de l'aéroport de Nantes. Mais ce n'est pas tout. On continue aussi de préparer le futur de ces terres une fois le projet abandonné, parce qu'on compte y vivre encore longtemps et avoir de la place pour toutes et tous les habitants qui souhaiteront rester pour des projets vivriers hors cadre comme pour des installations paysannes plus classiques. C'est le moment de ressemer le sarrasin, une des cultures qui réussit le mieux sur la ZAD. Cette année, une dizaine d'hectares alimenteront notre autonomie pour faire du pain et des galettes. Ils soutiendront divers projets et alimenteront la caisse collective des projets agricoles de la ZAD. Depuis l'année dernière, un séchoir à grains autoconstruit nous évite de passer par un entrepreneur pour stocker la récolte. Cette année, le moulin doit s'améliorer avec une nouvelle blutterie. On vous invite donc le 20 mai pour partager un pique-nique à 13h. Donc à Saint-Antoine, en face de la Châtaigne, puis à semer une parcelle de 2 hectares à la main. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, le lendemain, c'est la journée porte grande ouverte sur la ZAD. Donc c'est une invitation à l'appel de copains et de Saint-Azad. À partir de vendredi 19 mai, donc vendredi demain, à 17h30, à Rennes, au Ciru Kléber, il y a un séminaire contre l'état d'urgence, penser l'état du monde. C'est le deuxième, en fait. Ça s'est déjà passé. La première, c'était l'année dernière. Et je vais vous lire le descriptif. La Maison de la Grève invite le 19 et 20 mai à la seconde édition des séminaires contre l'état d'urgence, penser l'état du monde, dont vous pouvez trouver la programmation et la présentation complète sur le site de la Maison de la Grève. Comme l'an dernier, nous porterons le regard à la fois sur la situation qui nous est faite ici, l'état d'urgence, et sur les mouvements d'opposition post-révolution arabe. Il s'agit donc d'un double geste, comprendre les évolutions du pouvoir, de ses pratiques, de sa mécanique et déchiffrer la grammaire de la vague révolutionnaire qui s'est répandue de façon virale depuis 2010, mais qui a partout buté, soit sur la démocratie, soit sur des formes d'état d'exception, soit sur la guerre civile. L'enjeu de ces séminaires est d'ouvrir un mouvement de pensée et de débat avec tous ceux que nous croisons dans les luttes, dans nos espaces de désertion ou simplement au détour d'une discussion. Quel que soit le résultat des élections, nous espérons que ce séminaire soit un moment pour nous réarmer contre l'ultralibéralisme et contre les formes modernes de la réaction. Donc c'est à partir de vendredi 19 mai à 17h30 au Ciru Kléber à Rennes. L'entrée est libre et il y aura un buffet à 13h le samedi. Vendredi 19 mai, donc demain à 21h, présentation d'un camp antiraciste et antimilitariste en Allemagne. Donc là-bas, cette présentation, ça se passe à la Wardin. Donc le camp War Starts Here va se tenir pour la sixième fois près de Magdebourg, à 100 km de Berlin. Ce camp a pour but de lutter contre l'immense centre d'entraînement militaire, le GUZ, qui se situe à quelques centaines de mètres de là. Nous renouerons avec le thème de l'année passée, la guerre cause l'exil. Il est pour nous important d'envoyer un message clair contre les logiques militaires qui sont derrière les guerres, la terreur, l'exil et la migration. Retrouvons-nous pour lutter pour un monde sans frontières du 31 juillet au 6 août 2017. Ce camp auto-organisé et auto-géré vit et s'épanouit par l'engagement des participants et des participantes. Si tu vois qu'il manque quelque chose, c'est peut-être à toi de l'organiser. Donc devenez active et actif et participez dans l'organisation. Développez vos idées d'action. Nous verrons sur le camp plus tard. Pour faire du camping antimilitariste et antiraciste, la guerre commence ici, notre résistance aussi. Et si vous voulez des infos supplémentaires, il y a un site internet, c'est war-starts-year.camp. Le dimanche 21 mai, 20h30, au TASLU, il y a Alessie Dallumbria qui vient présenter son dernier livre qui s'intitule « Tarantella ». Donc, en Italie, là, quand une personne était piquée par une tarentule, tout son entourage appelait des musiciens pour soigner cette personne. Donc, c'était une cure qui consistait en une danse qui devait expulser le venin à travers la sueur. Et ça pouvait durer 3 jours durant et parfois pendant 3 semaines. Donc, à l'heure où sur la ZAD, nous affirmons parfois un brin péremptoirement être la nature qui se défend, Tarantella raconte ces ponts sur lesquels dansaient paysans et paysannes entre ce qui n'était pas encore d'un côté la nature et de l'autre la culture, comme autant de manières de se rattacher collectivement à une même cosmogonie, comme on s'est bien dit. Donc c'est dimanche 21 mai à 20h30. Et cosmogonie. De nouveaux mots dans notre dictionnaire. Alors, du côté de Rennes, le samedi 20 mai à 13h30, il y a une journée critique des médias d'Acrimed. Ça se passe à Carrefour 18, au 7 rue d'Espagne, c'est le métro Henri Fréville. Et donc c'est la troisième journée critique des médias avec au programme donc des tables rondes, des ateliers participatifs, des expos sur le traitement médiatique des mouvements sociaux, différentes questions autour des présidentielles, autour des médias. Voilà, venez nombreux donc à Rennes le samedi 20 mai à partir de 13h30. On revient un petit peu en arrière, c'est vendredi, demain à 19h30 à B17, il y a une réunion pour un cortège politisé à la Pride 2017. LGBT+, Mogaï, notre existence est politique. Je vais pas lire l'appel parce qu'on est pressé par le temps, j'en suis vraiment désolée, mais vous pouvez retrouver toutes ces informations sur nantes.indimedia.org. Présentation de Une jeunesse basque d'Aurore Martin, récit de combat politique interdit. Donc ça se passe samedi 20 mai à 19h au Talus sur la ZAD, à l'Orlandière. Et donc cette présentation s'inscrit dans le renforcement des liens entre les luttes au Pays Basque et à Notre-Dame-des-Landes. Une délégation de la ZAD vient d'y réaliser un infotour d'une dizaine de jours, tandis qu'une brigada du Pays Basque viendra au mois d'août bâtir sur la zone une cabane internationale. Et à Nantes, samedi 20 mai à 14h, il y a une marche contre Monsanto et son monde. Le samedi 20 mai à Nantes et dans le monde entier, des citoyens font converger leur lutte contre Monsanto, Bayer et les multinationales de l'empoisonnement lors d'une journée mondiale de marche et d'action. Et c'est pour une agriculture localisée, écologique et productive, capable d'assurer aux producteurs un revenu juste et contre une agriculture intensive. Et nous avons fini donc ce soir avec les annonces. Toutes nos annonces, vous pouvez les retrouver sur niant.indimedia.org, parce qu'on n'a pas lu les textes en entier. Et on vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Ciao! Ciao!